Jersey, on t'a rencontré à Espace Noir, et du peu que je sais, tu navigues dans cet espace à chaque fois, enfin quotidiennement, tu habites Saint-Imier, et puis on est aussi en compagnie de Daniel. Donc pareil, je pourrais pas te présenter parce que je ne te connais pas. et ben tout l'intérêt c'est de te faire des petites pastilles comme ça de gens qui habitent ici ou alors qui sont de la région ou alors qui ont pu côtoyer cette région et puis qui se retrouvent investis par des milliers d'habitants comme ça, enfin par des milliers de gens qui débarquent et ben peut-être qui veut commencer, Rosie, Daniel, pour nous raconter. Effectivement, j'habite par là et puis je suis souvent là. Alors d'abord, il faut savoir que Espace Noir n'est pas forcément apprécié dans le village par la majorité, très grande majorité des gens. C'était, je pense, une certaine inquiétude un peu pour tout le monde, que 2, 3 000 ou 4 000, on ne sait même pas à combien de milliers de personnes on est là, qu'ils arrivent là. Pour la population, je pense que c'est juste une espèce d'immonstrouille. Tout le monde qui sont fermés chez soi, plus personne qui sort pour aller acheter son pain puis son lait, pour donner une image. Et en fait, étonnamment, j'ai entendu dire, en parlant avec une responsable de l'Espace Noir, qu'ils ont reçu et de la mairie des félicitations, et du service de voirie, et de commerçants, qui disent c'est absolument inimaginable. Ils s'attendaient à des gens d'abord les anarchistes, c'est tous des drogués ou c'est tous des violents ou des choses pareilles, et puis en fait qu'ils sont complètement surpris en bien. Tous ces gens sont super chouettes, souriants, gentils, polis. C'est absolument incroyable. Et puis en fait, effectivement, là, ces 3-4 000 ou je sais pas combien exactement qui sont là, c'est il y a aucun problème. Tout le monde se responsabilise, tout le monde se prend en main. C'est tous des gens investis, intelligents, qui vont bien au-delà de la pensée de la majorité des gens qui doivent habiter ce bled. Et c'est en fait c'est absolument sublime, surtout parce que tout se passe absolument bien. Bon, il y a eu un petit problème hier soir, mais qui s'est réglé relativement facilement. Et en fait, pour moi, c'est comme vivre une espèce de Woodstock, un peu plus politique, mais avec des gens absolument merveilleux, des gens qui ont un cœur absolument sublime, qui ont un état d'esprit absolument sublime. En tout cas, la très grande majorité des gens que je croise, ne serait-ce que par leur regard et ce qu'ils dégagent, sans même parler avec, c'est juste trop beau. Et Espace Noir en temps quotidien, c'est comment? C'est difficile. D'abord parce que la majorité des gens qui côtoient cet endroit, c'est pas des gens d'ici. C'est des gens qui arrivent ici pour Espace Noir, mais des gens qui sont pas d'ici. La majorité des gens d'ici n'y viennent pas. Après, il y a des périodes où ça va mieux que d'autres, selon les périodes de l'année, j'en sais rien, ou ce qu'ils organisent en tant que conférences, mais surtout concerts, parce que je pense que la majorité de l'argent vient de là, les concerts qui s'organisent, une équipe de jeunes qui se donne à fond. Ils ont des moments, des hauts et des bas, je pense que c'est pas toujours drôle, financièrement. En tout cas pour eux, j'espère, avec le boulot qu'ils ont depuis 2 ans, que ça va les aider aussi financièrement, aussi au niveau de la population, qui puisse voir, avoir une autre image d'Espace Noir, des anarchistes. Parce que des témoignages qu'on avait recueillis là dans ces journées, il y a quelqu'un qui disait justement que en fait ça pouvait peut-être être perçu comme un espace particulier, Espace Noir, mais n'empêche que quand les familles débarquaient à Saint-Imier ou quoi, tout le monde allait faire la visite de ce lieu qui était quand même considéré comme mythique, enfin symbolique de la ville, et complètement accueilli quelque part. Symbolique, pas forcément dans le positif. Là, il semble que c'est un peu plus positif parce que j'ai lu par hasard, je ne sais trop où, sur un journal, Le Courrier, un journal qui est un peu marginal en Suisse, qui dit les choses autrement que les canards du coin. Et c'est là que j'ai lu qu'en fait, si les autorités, les salles, pour louer les salles et tout ça, si ça a pu se faire, c'est parce qu'ils ont réussi à être dans le patrimoine de l'UNESCO en tant que culturel, machin, Bakounine, tout ça. 140 ans après. En plus, bon, c'est magnifique, 140 ans après, que ça puisse se faire ici, qu'il y ait tous ces gens. Voilà, quoi, moi, je trouve magnifique. Surtout que ça s'est bien passé et puis que... Puis je trouve surtout que les gens qui sont là, pour une très grosse majorité, sont des gens vraiment beaux, beaux dans leur esprit, beaux dans leur cœur. C'est magnifique. Sur ces mots, et ben Daniel alors. Donc Daniel, toi je t'ai croisé tout à l'heure. Ben voilà, moi je suis effectivement par hasard ici. Enfin, j'y viens de temps en temps. mais j'habite de l'autre côté de la montagne, au bord du lac de Bienne. Et alors je suis un habitué du point de vue de l'esprit, mais pas physiquement, parce que j'y viens pas tous les jours. Mais je suis en relation du point de vue des idées, avec ces idées de liberté qui... Et ce monde qui refuse le dictat de l'argent, qui refuse ce rouleau compresseur du capitalisme, quoi. Donc ici, c'est vrai qu'on sent, comme tu disais avant, Rosie, un esprit de liberté, de contestation, mais positive, et pas d'esprit destructif, etc. On essaie de reconstruire des choses, pas de détruire. Je t'ai croisé tout à l'heure, tu avais le regard un peu dans le vide justement. Alors, et tu me confiais ta pensée. Alors bon, c'est un peu particulier aussi parce que j'ai combattu dans ces montagnes, entre guillemets. Donc j'ai un rapport particulier avec le lieu qui ramène quand même au combat de Bakounine et de toute l'histoire de l'anarchie, quoi. Qui à certains moments, on doit passer aux actes pour affronter la puissance de l'État qui oblige les gens à faire plein de choses, des guerres, à travailler de manière scandaleuse, du gaspillage qui est organisé, etc. Et c'est vrai que bon, j'ai 60 ans, donc j'ai regardé cette jeunesse qui est le renouveau. Et alors c'est, pour moi, c'était un baume au cœur, parce que ça me faisait plaisir de voir cette effervescence qui est joyeuse, qui est ça me rappelle un peu, ben, on m'a demandé, enfin une boîte m'a demandé la définition de l'anarchie, et je me suis dit, tiens, c'est jouir du soleil sans faire d'ombre, et c'était justement profiter de la vie sans fracasser les choses, à part nos ennemis éventuels qui se sont très méchant quand même, si on regarde la répression qui se passe, etc. Mais intérieurement, un anarchiste, il n'a pas le désir de nuire aux autres. C'est de pouvoir exprimer son propre épanouissement, sa vie. Et juste avant, j'étais sur la pédagogie anti-autoritaire, alors que moi, j'ai subi une pédagogie plutôt autoritaire, quoi. On nous fait asseoir pendant des années sur un banc à écouter des discours et la façon dont on a à se comporter dans le monde. Et l'anarchie propose aussi justement une vision non autoritaire, un épanouissement de l'individu. Ça devrait être ça. Je t'ai coupé, non ? Non. Est-ce qu'il y a un point fort que vous auriez envie de transmettre aux auditeurs qui nous écoutent là sur ces journées ? En ce qui me concerne, oui, dans le sens où d'abord je me sens pas particulièrement anarchiste, quoique en voyant ce qui s'est passé maintenant pendant ces 5 jours, ouais, ça m'étonne tellement bien que d'accord, pourquoi pas. À part ça, je me sens plus bouddhiste, ou hippie, ou je ne sais quoi. Mais c'est vrai que c'est très très très intéressant, finalement, quand je vois les gens qu'il y a autour, et surtout les jeunes, qui malgré leur allure et tout ça, sont en fait, je pense pour la grande majorité, non-violents. Et en fait, par contre, il y a une espèce de dimension qui, à mon avis, manque dans l'anarchisme, raison pour laquelle je me dis pas anarchiste. C'est que d'abord, ce que dit le bouddhisme, c'est que d'abord, pour changer ce qu'il y a autour de soi, il faut changer soi-même. Il faut commencer par se changer soi-même. Et c'est vraiment la chose principale dans le bouddhisme. D'abord, on se change soi-même pour pouvoir changer ce qu'il y a autour de soi. Mmh. Et ça me semble vraiment important, quoi. Alors, je ne sais pas si tous les anarchistes le comprennent, à mon avis, non. Mais bon, voilà. J'espère un maximum d'entre eux. Et Daniel, que c'est ? Puis pour moi, en tout cas, ne pas succomber à la propagande permanente qui est faite contre cette vision émancipatrice de l'individu, qu'est l'anarchie, justement. Donc, comme on a besoin de bons esclaves, on a besoin de bons soldats quand il faut aller tuer des ennemis du système. Donc, moi, je dirais que, en tout cas, ici, l'exemple, c'est de montrer que cette propagande est totalement fautive. On raconte des histoires sur les anarchistes, sur les poseurs de bombes, sur les destructions qu'ils auraient fait, alors qu'en fait, c'est vraiment un message de libération de soi-même. Là, je te rejoins dans le sens que ça vaut aussi la peine de voir en soi-même, ça c'est sûr. Mais il est évident que les structures sociales sont de façon omniprésente écraser, elles écrasent l'individu. Mmh. On le voit maintenant encore plus, quoi. C'est maintenant, c'est tous les discours qu'on nous a tenus sur le libéralisme, sur l'argent, sur le, s'effondre, quoi. On est dans un temps pas assez particulier, quand même, d'un effondrement, par des crises successives du système dominant. Et là, en tout cas, je proposerais d'aller revoir des textes, d'aller revoir ce que propose l'anarchie comme voie d'émancipation. Et oui, juste pour ajouter que beaucoup de penseurs ou de faiseurs anarchistes ont déjà parlé de cette chose-là, d'une révolution en soi et personnelle. Enfin, pas que les bouddhistes, quoi. C'était pour aussi compléter. Mais j'ai vu dans le programme qu'à 18h ce soir, un peu pour clôturer, même s'il y aura aussi des concerts, mais il y a un repas avec les habitants du quartier. Et donc je me demandais, Rosie, si tu serais parmi nous. Avec les habitants de Saint-Imier, en fait. C'est organisé aussi au cours de ces journées. Non, je pense pas. Non, je pense pas que j'ai envie d'aller. De toute façon, ça ne va pas être un repas, c'était un peu truqué. Je crois que c'est un apéritif. Ah, ils ont vraiment dit. C'était la patinoire. De toute manière, ouais. J'ai pas l'impression qu'il y aura vraiment beaucoup de gens. Enfin, Nous, on a eu quand même pas mal de discussions. Oui, mais les gens de Saint-Imier sont un peu comme partout, ils sont en vacances aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Le village de Saint-Imier. Mais ceux qui restent, ça se passe plutôt bien. Ouais. C'est étonnant, moi. Alors, c'est très étonnant parce que. Mais justement, quoi, les commerçants et compagnie ne disent que du positif de tous ces gens dont ils ont si peur. Bah, les commerçants, on peut comprendre. Absolument pas que les commerçants, la voirie, les gens de manière générale. Ils ont même eu les félicitations de la police ce matin, ils étaient écroulés. Je serais étonné qu'il y ait beaucoup de gens qui soient là. Enfin, ce serait à suivre. À 18h, Tira, Daniel, et ben on fera un petit bilan aussi sur cette radio. Merci en tout cas à vous d'avoir déposé vos voix sur les ondes de 89.4. Merci de nous avoir invités. Et puis. Autour de moi, donc. Et c'est ces chères jeunes filles qui pètent la forme depuis le début. Voilà, par exemple. Alors, ça, c'est le jaune aussi. Voilà, regarde. Voilà. Et toi, tu es le noir. Voilà. Salut tout le monde. Rapproche-toi de ton micro. Voilà. Et en fait, vous avez animé ce fameux Barnum où on pouvait voir des films et perdre du poids grâce à la chaleur qui faisait grâce à l'option sauna. Sauna, ouais, qui était quand même gratuite en plus. Voilà. Alors, c'est une tactique spéciale d'amaigrissement qui quand même maintient les pieds dans la brise parce qu'on avait soulevé les jupons du Barnum militaire qu'on avait trouvé par ailleurs dans la Creuse et qu'on a eu grâce aux copains de la Creuse et de la FA. Donc c'est une méthode extraordinaire et il faut quand même des bons films pour que les gens restent dans un Barnum surchauffé en plein soleil pendant des heures. Mais je crois que c'était des bons films parce que la programmation a été assez continue et assez pleine pour tous les jours, il me semble. En fait, ce qui nous a amusé, nous, avec Jean-Claude, c'était un truc dont on n'avait même pas tellement parlé, à vrai dire. Je crois que c'était juste une lacune. C'est qu'on n'avait pas vraiment fait la programmation, genre, à 14h, il y a ça, ou jeudi, il y aura ça, etc. Et on s'est dit, on va mettre des feuilles devant le Barnum militaire, hein, qui est bien vert militaire, hein, sans se croire. Ah oui, c'est un vrai truc de bidasse. Hein. Ah oui, oui, c'est... Vraiment, on n'a pas du tout eu peur. Mais on a, tu as vu quand même. Qu'à la banderole, ouais. On a voulu poulailliser un peu la banderole qui était rose-orange, et on a mis tout notre cœur à faire une banderole moche, mais visible de loin, avec du jaune. Et Jean-Claude était furieux, il s'en est toujours parmi. C'est pas grave. Ce qui nous a plu, en fait, c'était de faire. Il est souvent furieux, mais on l'aime bien comme ça. Ouais, c'est clair. On fait exprès de le mettre en colère. on a fait du coup une programmation, on a mis des feuilles en fait devant, et les deux premiers jours, les gens ont juste décidé, en faisant attention à la durée des films simplement, de dire ben moi je veux voir tel film, est-ce que je peux le mettre, je le mets à 10h. Et alors je dois dire qu'il y avait un truc qui était quand même très chouette, c'est que l'entrée à prix libre, tu fais pas le coup, les anards ils connaissent quoi, ouais. mais de leur dire, ils arrivaient et disaient mais on sait pas à quelle heure c'est, on comprend pas et tout, et puis là ils disent, on dit bah écoute, tu choisis le film que tu aimes et tu le mets dans un créneau libre, et ça a marché, c'était très chouette. Donc nous on savait même pas à l'avance ce qu'on allait voir quoi. C'était très bien. Et alors c'était quoi tous ces films qui ont été programmés? Alors donc Élise, tu pourras peut-être mieux en parler que moi. C'est quand même vous qui les avez amenés, ces films. Ouais, surtout Élise et Jean-Claude, mais c'est vrai qu'il me semble que c'était par thème. Peut-être Élise, du coup tu peux un peu parler des oui. thèmes. Alors en fait on a convenu d'un cadre en fait avec Jean-Claude hein, qui était un cycle utopie, un cycle militant anarchiste, un cycle sexualité, un cycle autorité. Enfin, c'est-à-dire casser l'autorité, bon. Et puis peut-être un autre dont je ne me souviens pas immédiatement. Les grandes figures, non ? Tu l'as dit. Militant anarchiste, ouais. Utopie, ce se retrouvera facilement. Ouais. Bon. Dans ce cadre-là, on s'est fait confiance avec Jean-Claude. C'est-à-dire que moi, il y a des films qu'il a programmés que je n'ai pas vus, que je pensais voir, et puis en fait, je n'ai pas eu le temps, et d'autres que j'ai programmés. Voilà. Et qu'il n'avait pas vu. Ou alors qu'il a vu et qu'il a détesté. mais on l'a mis quand même. Ah bien sûr, ça, il n'y a pas de problème. Mais par exemple, moi, il y a des films sur le cycle sexualité dont tu m'avais parlé, Élise, et que j'ai eu l'occasion de voir grâce à ça. Il y a Valet Rétrospermato, qui a même été programmé deux fois, je crois, qui est assez génial. C'est un documentaire sur la contraception masculine non hormonale. Voilà, ouais, j'ai vécu ça dans mon époque, c'était terrible. Toi aussi, tu as porté un roman de couilles toulousain ? Ah, j'ai refusé. J'ai refusé. Mais il y avait aussi les traitements, les traitements avec pilules, hormones et autres. Et c'est terrifiant. Bah, il vaut mieux laisser ça aux femmes, hein, ouais. Oui, c'est toujours ce que je me suis dit. Surtout quand je voyais la tête de mes copains avec leur slip chauffant, là, c'était terrible. Bah oui, c'est vrai. Donc ça, c'est un film en fait que Jean-Claude nous a proposé de voir, et qui avait été conseillé en fait par une copine de Bobine Rebelle Creuse, Solange. Par Solange, qui fait la vache qui, tu sais, la vache qui bagnode, la vache qui rit. Non, je crois pas qu'elle fait la vache qui rit. Si, elle fait la vache qui, elle est aussi à Cross Citron, il me semble. Voilà. Si j'ai pas de bêtises, enfin, sur la région de Limoges. Donc, il y a pas que le Barnum qui a transité par la Creuse et qui a été le fruit d'un échange avec la Creuse. Il y a là aussi Valet Rétrospermato, et qui, alors moi, j'espère, tu vois, je peux pas prendre la décision à leur place, mais j'espère, parce qu'il y a des copains du groupe Poulaille qui ont vu le film, qu'il va y avoir une sorte de mouvement localisé à Saint-Denis de contraception masculine non hormonale. T'imagines. Mais pour l'anecdote, il y a un truc extraordinaire, c'est qu'en fait, donc tout ça se passait avant 81, entre autres, c'est les grandes recherches. Et la première chose qu'a fait une femme, Chiesto, qui est arrivée au ministère de la Santé, c'est de virer toutes les subventions qui servaient à faire des recherches à la contraception masculine. Mmh. Donc vous voyez. Mmh. Incroyable, une femme qui a fait ça. Eh ouais. Bah on n'a pas besoin de subventions. Nous, on s'est proposé pour broder et pour coudre des remonts de couilles, tu vois. Si jamais ils prennent l'initiative, bien sûr, tu vois. Et puis de le faire avec eux, ouais. De se remonter les couilles. Moi, j'aurais pas confiance. Hein. Tout de suite, t'es méfiante, tu sais. Confiance a priori, confiance. Non, parce qu'il y avait aussi des traitements sur mon eau qui donnaient que les copains qui avaient ces traitements avec leurs copines, par la transpiration, il y avait des poils. Les filles attrapaient des poils parce qu'il y avait des transferts de testostérone. Et alors, c'est terrible, quoi. Enfin, il y a eu toutes des séries de gags comme ça, mais alors ça, par exemple, c'était rarement publié, quoi, ça restait off. Oui, mais naturellement, t'as de la testostérone qui passe. Tu sais, il y a un bouquin de Béatrice Preciado qui s'appelle Testo Junkie, dont la thèse délirante mais très marrante est que l'hétérosexualité patriarcale fonctionne seulement parce que les femmes réclament leur fixe de testostérone. C'est pour ça qu'elles se frottent aux hommes. Oui, mais de là à attraper des poils, aïe. Bah elle se fait des injections elle-même. Elle s'est laissée pousser une petite moustache. Et il y avait quoi d'autre alors à part Alors il y a un film sur Chomsky qui s'appelle Aide-moi. Pouvoir et terreur. Uh-huh. Alors ça c'était bien parce que c'était un des seuls qu'on avait en anglais et sous-titré. Voilà, parce que ça a été un peu notre faiblesse, voilà. Mais comme on est compensé par la salle aussi de cinéma de l'espace noir, il n'y a pas de problème, voilà. On a eu des très bons films, par exemple sur des féministes américaines, mais qui étaient, où t'as les féministes américaines qui parlent et qui sont sublimes et qui ont des fois incroyables, et t'as une grosse version française dessus, tu vois. C'est horrible. C'est comme dans les années 80. Il manquait plus que les rires préenregistrés, tu vois. Ouais, t'as l'impression de regarder une série, en fait. Mais au bout d'un moment, le film est suffisamment bon et ce qui est dit est suffisamment intéressant pour que tu passes là-dessus et sur la chaleur du Barnum. Mais bon, on a eu des gens très bienveillants. Et du coup, effectivement, il y a eu Pouvoir et Terreur qui a été mis trois fois du coup au box-office du Barnum de la Diversité. Et ça, c'était aussi parce que c'était sous-titré, quoi. Et Chomsky, là-dedans, il est très clair, il a un discours très, très facile à attraper. Il y avait un truc, moi, qui m'intéressait qui s'appelle La Révolution du Désir. Et qui est sur les combats du phare, hein, du mouvement homosexuel révolutionnaire et sur la normalisation et de la demande des droits. Et je pense que c'est vraiment intéressant parce que c'est plus du tout comme ça, comme avec Guy Ockenheim. C'est plus du tout de cette manière qu'on pose en fait les questions dans le milieu homo. Et puis, oui, il n'y a plus de folie parce que c'était des gens vraiment allumés, touchés, allumés. C'est incroyable. Et alors, hier, la tente militaire a été démontée. Et vous avez continué aujourd'hui à projeter alors ? Ouais, dans la patinoire en fait, parce que notre tente était juste devant la patinoire, c'était assez excellent, qui fait office de salon du livre. Et à l'entrée sur la gauche, il y a une salle qui sert de bar, mais qui est assez grande. Et là, donc, on a installé l'écran, les chaises, et ça continue même aujourd'hui, quoi. D'accord. Et ça nous a rapprochés du coup de tas de copains parce qu'on était à l'extérieur de la patinoire, maintenant on est dans la patinoire, donc il fait forcément plus frais dans la patinoire. Oui, c'est sûr que c'est un intérêt énorme de cette patinoire. Il y a plein de gens qui... Nous, il y a par exemple un mec qu'on connaît, qu'on voit plus parce qu'il est affaché... Oh, bah, vite, le voilà. Il est affaché sur une chaise au frais. Et là, il rentre dans la radio quand même. Tu vois, il bosse parfois. Tu vois, il bosse. C'est chiant, je veux dire. C'est ce mec qui a des micros, quoi. Il a des micros, oui, mais nous aussi, notre rien. En fait, un micro. Le Barnum, il a été démonté hier soir en trois coups de cuillère à peau parce que tout le monde s'y est mis, et ça, c'est foudroyant pour moi, je trouve ça incroyable. Parce que s'il pleut, il met des tonnes, des années à sécher, c'est ça ? Voilà. Exactement. Mais attends, ce que je comprends pas, c'est que ce Barnum vient quand même de la Creuse. Dans la Creuse, il pleut tout le temps. Ben, on n'est pas une contradiction près, tu sais, dans le mouvement anarchiste, c'est pas du tout un problème pour nous. Mais d'ailleurs, en plus, c'est un Barnum de l'armée. Mais d'ailleurs, la dernière fois que moi j'ai vu sorti dans la Creuse, c'était au festival Bobine Rebelle, et les derniers jours, il pleuvait à mort. Et nous, quand on est parti avec Jean-Claude, genre, ils avaient toujours pas pu le rentrer parce qu'il était encore mouillé. Et je sais pas combien de temps et combien de jours ils ont pris pour qu'il sèche enfin. Ils ont dû le remonter dans une grange pour qu'il sèche. Ça doit être ça, ouais, avec des sèche-cheveux et tout. Dans la Creuse, les granges sont humides. Oui, mais bon, tout est humide. D'ailleurs, on a un témoin de la Creuse. Serge est là et. Oui, mais il travaille, il a un niveau de concentration qui fait qu'il ne sent plus l'humidité naturelle qu'il a. Bon, bah écoute, les filles, on va vous remercier. Et puis, en fait, Aude nous a trouvé un nouvel inconnu. Voilà, parce qu'en fait, on fait, pour vous expliquer, c'est qu'on fait des petites vignettes comme ça. Et Aude, qui a le don, nous trouve des gens extraordinaires. Donc, c'est parce qu'elle va à la piscine. Très bien que le dernier, on ne l'a pas encore testé, mais je le sens bien. Mais Aude, tu l'auras testé. C'est un invité qu'on ne connaît pas du tout. Donc, je t'ai croisé il y a à peu près 10 minutes. Voilà, oui. Je t'ai demandé est-ce que tu parles français. Tu m'as dit oui. Oui. Et j'ai dit super. Et puis, t'es venu, t'as suivi et tu t'appelles Mathieu. Voilà, j'étais très étonné. Je pensais pas qu'on me demanderait. C'est bien que je parle français. Généralement, à l'étranger, c'est plutôt. Voilà. Donc, je m'appelle Mathieu. Je viens de Lyon. Et je suis venu avec des collègues musiciens et dont une chanteuse d'origine berbère. Et on va faire un concert tout à l'heure, je crois, à 17h. D'accord. Et le programme, mais c'est ici, à Saint-Imier. Oui, mais où à Saint-Imier ? Parce qu'il y a tellement de salles. Alors, je l'ignore. le rendez-vous, c'était ici. Et voilà, nous allons chanter... Enfin, elle va chanter des chansons de Léo Ferré. Ouais. D'accord. Donc c'est Natacha. Ouais, c'est ça. Bezrich. Bezrich, oui. C'est ça. Ça ne s'invente pas. Donc c'est à 18h30 ce dimanche. 18h30, d'accord. Je la prends. Oui. À l'espace, à Espace Noir, donc c'est ici que voilà, tu passes. Voilà, Espace Noir. Ouais, okay. D'accord. Voilà. Et donc tu viens faire les balances et le son, en fait. C'est ça. Donc moi je suis violoncelliste et puis elle sera accompagnée aussi d'un accordéoniste et d'un pianiste. D'accord. Tout ça dans l'espace en bas. Voilà, c'est ça. Waouh. Ouais, oui, oui, oui. Très fort. Qui est voilà. assez petit. C'est assez petit, oui. Oui, oui, oui, oui. Alors, je sais pas s'il y a un vrai piano à queue ou alors un clavier numérique. Je pense qu'un piano à queue passe pas dans la descente d'escalier. D'accord. Ou alors, pourrait le monter en bas. C'est ça. D'accord. Et du coup, tu viens d'arriver sur ces journées internationales? Oui, oui. En fait, je suis partie, j'étais dans le sud de la France, hier. On a répété hier après-midi à Lyon, en France. Et puis, on joue tout à l'heure. Et puis, on repart dans la nuit. Ah oui, c'est un passage éclair sur Saint-Imier. Un passage éclair, ouais, exact. T'as eu le temps de te balader un petit peu, de non, voir j'arrive. Ce qui se passe. J'ai trouvé l'adresse. Quelqu'un m'est tombé dessus. Et boum, t'es au micro. Et boum, je suis au micro, voilà. Bon, du coup, je pourrais poser plein de questions de qu'est-ce que tu penses de ces journées de rencontres internationales. J'ai peur que t'aies pas de réponse. J'étais très étonnée que ça puisse se passer en Suisse. Parce que bon, dans l'image des Français, la Suisse, c'est plutôt les, enfin, je sais pas, c'est peut-être un cliché un peu trop facile, mais bon, les chocolats, les belles voitures, tout ça. Et les banques, c'est ça? Les banques, oui, voilà, ouais. Et c'était sans savoir que Saint-Imier était un berceau oui, voilà. historique. Historique, carrément. Oui, et oui. J'ai beaucoup à apprendre. T'as plus qu'une journée pour faire toute ta formation. Voilà, j'ai jusqu'à 17h30. C'est ça. Ou sinon, oui. t'écoutes un podcast Radio Libertaire. D'accord. Depuis 4 jours, et puis tu vas tout découvrir sur cette région passionnante. Alors voilà, Radio Libertaire, je connaissais parce que j'avais des amis qui faisaient partie du mouvement anarchiste et je les ai pas mal suivis comme ça. Mais sinon, je suis, je sais pas, on peut dire apolitique, un truc comme ça. Comme ça. Je suis plus musicien, artiste, en fait. Ah ouais, voilà. Voilà. Un petit peu en dehors du monde, poète. La vie de poème. Mais naturellement, mes idées penchent à gauche. Mmh. Naturellement. Et ta chère chanteuse, elle travaille sur quelle partie du répertoire de Ferré alors? Alors, c'est une amie, je crois, personnelle de la femme de Léo Ferré. Et donc, elle ressort souvent des titres qui ne sont pas très chantés. Voilà. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Natacha est une femme. Et rarement, Léo Ferré est interprété par une femme. C'est souvent des hommes, en fait. Oui, si, il y a eu quand même pas mal de femmes qui l'ont fait. Mais... Ah, oui, effectivement, c'est principalement des hommes. Voilà, plutôt. Il faut dire qu'il était plutôt dans le style couillu, quoi. Mais rien n'empêche à une femme d'avoir... Léo, si tu m'entends. Oui, puis alors je fais un spectacle aussi, pas ce soir, mais où il y a aussi un diaporama avec des textes inédits. Mais quel texte inédit tu peux... J'en ai pas le souvenir, je suis désolée. Mais là, dans le répertoire de ce soir Ben, je sais pas. On a 22 titres, je crois, pour ce soir, et je me rappelle plus ce qu'on va faire. 22 titres quand même, t'as intérêt à avoir une fiche, une conduite. J'ai mes partitions dans ma sacoche. un truc pour suivre. Tu vas improviser ou Non. D'accord. Ouais. Bon, bah du coup tu nous fais en même temps l'annonce du concert. Donc s'il y en a en Suisse qui nous écoutent là, qui sont sur Saint-Imier et qui veulent aller au concert ce soir, c'est donc 18h30 à Espace. Voilà, ce sera avec plaisir. Oui. Voilà. Oui. Venez nombreux. D'autres questions, Patrick, pour notre inconnu de cet instant? Oui, à part accompagner une chanteuse berbère qui chante du Léo Ferré, tu fais quoi avec ton violoncelle? Alors, avec mon violoncelle, de par l'instrument, j'ai plutôt une... J'étais destiné à faire de la musique classique, ce que j'ai fait, mais j'ai élargi mon répertoire pour ne pas m'ennuyer trop, parce que j'ai besoin de faire autre chose. Alors, c'est aller de la musique baroque à la musique contemporaine, en passant par... j'ai fait du rap, du rock... de toutes sortes de musique, je compose de la musique, je fais des films sur la nature, des photos. En gros, ce qui me passionne, c'est la beauté de la nature et celle de l'humain parfois. Ben c'est bête que t'aies pas de temps pour parce que le coin c'est sublime. Oui, enfin, ouais. C'est... Bah, bon, les routes arrivées au bout de 500 virages, t'as envie un peu de vomir, oui, n'est-ce pas ça. Alors pardon, excuse-moi. Oui, c'est vrai que ça tournoie. Mais qu'est-ce que c'est beau, mais alors. Oui. Alors en fait, je connais la Suisse parce qu'il y a 10 ans, j'ai travaillé pendant 2 ans en Suisse à faire des concerts à droite à gauche. Et j'ai un ami pianiste avec qui je fais de la sonate de temps en temps dans le canton de Vaud, près de Aigle. Donc, je connais un petit peu la Suisse, que j'aime bien. Mais, c'est très beau, les gens sont très sympathiques. Les lacs. Les montagnes. Parce que Aude rêve de se baigner dans un lac. Voilà, c'est vrai. Ouais. Mais on n'a pas le temps. Mais non. Mais non, il n'y a pas une rivière ? Il y a une piscine. Ah, c'est moins bien. Ouais, c'est rien à voir. Bio, hein. Ouais, mais bio, ouais. Ouais. Ah oui, sans chauffer chlore. La fromagerie. Non, non, chauffer avec la fromagerie d'à côté et sans chlore. Et, sans chlore aussi. Ouais. Ouais. Mais attends, ouais. Tête de moine, la fromagerie. Tout à fait, ah. Qu'il faudrait qu'on ramène d'ailleurs. Ouais, on est mal tête barré. De moine. De moine. Faut qu'on ramène ça, faut le dire aux auditeurs quand même que ça existe. Faut qu'on ramène des têtes de moine pour les animateurs de Radio Libertaire. Ouais. Ça serait bien. Oui, de se faire ils mangeront du moine. Je crois que ça leur prend la préférée. Tous. Bon, on va te libérer parce voilà. Que je pense que tu vas aller faire les balances. On maintenant. Va aller faire les balances, effectivement. Ouais. Ben Mathieu, merci. De nos inconnus. Donc il y avait un mec qui glandait sur les marges d'Espace Noir en train de boire une bière. Je sais pas si c'est la première, mais il est en train de boire une bière. C'était la première. C'était la première, donc voilà, il se confirme. Donc cet individu, on ne le connaît absolument pas, donc on va lui poser la question, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Eh bien, en fait, j'habite tout à côté de Saint-Émier, puisque j'habite sur l'île d'Oléron, en Charente-Maritime, en France. Alors c'était pas très loin. Et bon, je savais pas trop quoi faire. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller faire un petit tour dans cet endroit. J'avais lu quelques propos à ce sujet, ici, là ou ailleurs. Et puis bon, j'aime bien les livres, j'aime bien les débats, les discussions. Et voilà. Donc, faut quand même préciser que j'ai pas 20 ans. Un peu plus. Et donc. J'ai été assez d'abord étonné par le nombre de gens qu'il y avait à Saint-Imier, le look de ces gens, leur âge, des très jeunes gens et très jeunes filles la plupart, un look un peu particulier, avec des coiffures bizarres. Et sublime crête. Absolument. Disons, il y avait vraiment... Absolument. Mais par contre, ce qui m'a... Alors, dans un premier temps, ça étonne un petit peu, bon, surtout les vieux comme moi, mais dans un deuxième temps, on est étonné de... la bonne ambiance, la gentillesse des gens, voire même leur culture politique. Et bon, il y avait plein de débats, plein de stands avec des livres. Donc c'était super. En plus, ils sont pour les concerts gratuits. Hein. Ah oui. Alors les concerts, non, parce que moi, je me couche très tôt, 11h, pipi, laver les dents, la prière à Bakounine et au lit. Mais j'ai pas compris pourquoi tu passes ta vie à traîner, parce que je t'ai croisé plusieurs fois dans cette ville, et surtout à la patinoire. Tu traînes souvent là où il y a le salon du livre, un truc comme ça, quoi. Voilà, c'est ça, il y a un salon du livre. Oui, c'est vrai, j'aime beaucoup les bouquins. Et donc là, on peut dire qu'on était servi. C'était énorme, énorme en termes de surface, le nombre de bouquins, le nombre d'éditeurs, français, italien, espagnol, tchèque, enfin bon. Moi, il y a un mec, c'est étonnant, parce que chaque fois que je vais dans les salons du livre, je vois toujours un mec, sorte de barbu à lunettes. Ah oui, oui, oui. Je ne sais pas si tu as remarqué, il est toujours là, lui. Je ne sais pas ce qu'il fout dans la vie. Je sais. Ouais. Je sais. Alors, je sais qu'il est en hôpital psychiatrique, mais je n'ai jamais réussi à savoir... De quel côté De quel côté il était. Mais ouais, c'est un personnage atypique. Ah ouais, c'est étonnant, hein, ouais. Vraiment, il a que ça à foutre. Ouais. Mais moi, je l'aimais mieux avant, quand il avait juste la moustache. Maintenant, il y a une grande barbe, en plus de la moustache. Enfin, bon... Puis il la lave jamais. Non. Puis alors, c'est toujours la même question. Au lit, est-ce qu'on met la barbe dessus le drap ou dessous? Ouais, ça, c'est effectivement... C'est une question épistémologique. Ouais, absolument. Voilà. Et tu penses rester encore longtemps ou... Oh non, parce que j'ai charge d'âme, j'ai un vieux chien qu'il faut que je promène de temps en temps, donc je ne peux pas le laisser trop longtemps tout seul. Et tu sais qu'il va mourir le premier des deux ? J'espère que ce sera le chien. On te remercie Jean-Marc Reynaud. Écoute, c'est sympathique d'avoir passé quelques minutes avec toi. Pareillement. Voilà, et donc Aude a trouvé une nouvelle victime, donc on va enchaîner. Bisous. Bisous. inconnu de l'instant s'appelle Andrea, je ne sais que ça. Et je vais te laisser te présenter, donc je viens de te croiser, tu as dit oui pour être ici au micro. Et... Oui, tu m'as demandé, donc j'ai pensé pourquoi pas. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Pourquoi je suis ici ou... Par exemple, je sais que tu es là depuis plusieurs jours. Que... Oui, j'habite Berne, donc c'est pas loin. J'étais très curieux de ce rencontre. Je travaille comme journaliste, donc je suis ici aussi pour des raisons professionnelles comme freelance. Et puis, oui, le thème m'intéressait, quoi. Donc il faut qu'on te lâche pour 16 heures pour la conférence de presse, alors? Oh, c'est pas grave. Ah, bravo, bravo. C'est dans 5 minutes, là. J'ai déjà parlé avec beaucoup de monde, donc je D'accord. pense pas que la conférence de presse va me donner. Je sais pas, je vais y aller, bien sûr. D'accord. Même si je suis en retard, c'est pas grave. D'accord. Et ça fait 4 ou 5 jours que t'es depuis le début? Non, mercredi, j'étais pas là. D'accord, jeudi. Et alors, quelle perception tu aurais sur ces rencontres, ces journées? Est-ce que ça, quelque part, ça répondait à ce que tu te faisais comme image ou pas du tout? Mais oui, plus ou moins, j'ai parlé avec des amis qui sont un peu plus dans le réseau anarchiste. Donc, ils m'ont dit, écoute, là, ça pourrait être intéressant, ce personnage-là, tu devrais parler avec lui ou avec elle. Oui, j'ai déjà expérience de rencontres de ce type-là, comme les forums sociaux. Et c'est toujours difficile de saisir la complexité de tout ça, mais il y a toujours des impulses intellectuels, des impulses de discussion, des idées qui il est très sympa aussi de rencontrer les gens, de parler avec eux, de... Tu peux, oui. T'as navigué un peu dans tous les espaces, que ce soit concerts, débats, discussions, les espaces de rue, les... Pas tellement les concerts, parce que je suis toujours rentré le soir à Berne, donc j'ai pas vécu le côté fête, malheureusement. Mais non, c'était plutôt... En réalité, j'ai surtout essayé de rencontrer des gens. C'est ça. Mais j'ai pas... Oui, j'ai suivi partie des discussions, mais c'est toujours, je trouve... assez difficile si on n'est pas vraiment dans le thème de suivre, ou souvent c'est difficile de suivre, pour des raisons aussi logistiques, quoi, parce qu'on n'entend pas bien, parce que la langue, c'est pas vraiment la langue qu'on entend, qu'on comprend, mais quand même, j'ai eu l'occasion de parler avec beaucoup de monde. Et tu vas faire un écrit, du coup, sur ces rencontres internationales? Oui. D'accord. Je vais essayer, parce que j'ai vu ce que beaucoup de mes collègues ont fait. C'est bien sûr facile de faire du folklorique dans des contextes comme ça, non? De raconter, oui, il y a les punks, il y a la fête, il y a tout ça. Moi, je dois pas faire quelque chose de stricte actualité, donc je voudrais plutôt essayer de raconter aux gens ce que sont les thèmes discutés chez les anarchistes, quoi. Et je trouve que souvent les anarchistes, pas tout le monde, mais souvent sont plus sensibles aussi aux changements dans la société, donc je trouve ça très intéressant, même de mon point de vue de journaliste, parce que ça me permet de voir un petit peu les discussions qui sont en train de se faire dans ces milieux-là. Est-ce qu'il y a des thèmes de société qui seraient abordés ici, ou en tout cas dans le monde anarchiste, on va dire, et que tu ressens comme inexistant ailleurs? Non, je pense pas. Je pense que l'anarchisme s'est beaucoup ouvert. Non, je ne vais pas parler en tant qu'expert, mais c'est quand même un milieu très ouvert à tout ce qui se passe dans la société, donc beaucoup aussi de réflexions qui viennent des mouvements altermondialistes, comme ça, sont arrivés aussi au milieu anarchiste, ou au contraire, les mouvements altermondialistes ont repris beaucoup de thèmes aussi de l'anarchisme, même s'ils ne se définissent peut-être pas anarchistes ou libertaires. Et là, ces rencontres, c'est un peu l'occasion d'écouter ces rencontres, d'écouter ce développement d'idées, de discussions. C'est clair à tout le monde que la révolution ne va pas commencer demain grâce à ces rencontres, mais il y a quand même un certain débat. C'est quand même intéressant, justement, c'est que les gens commencent à dire non, il ne va pas y avoir de grands jours. Il va y avoir un travail quotidien qui va faire que les choses changent, quoi. Et ça, c'est ce qu'on entend partout ici. On n'est plus dans le mythe du grand soir, j'ai l'impression. Enfin, il me semble. Je relativise tes propos juste que ce mythe du grand soir, j'ai été étonnée de le rencontrer à un forum, justement, où justement beaucoup, peut-être du fait des âges aussi, mais beaucoup parlaient de révolution demain et que c'était une évidence. Hein, alors qu'il y a une grande tendance qui sont les actes, les projets au quotidien. Dans la longueur. Oui. Oui, c'est comme dire, enfin bon, ça va faire polémique, mais je m'en fous, j'adore. C'est que, en fait, souvent, dans la conférence de Michel Onfray à Saint-Denis, les gens disaient parler fasciste. Et Onfray s'est énervé, il a dit non, il n'y a pas de fasciste, il y a des micro-fascistes. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est travailler comme ça aussi. C'est des micro-espaces de liberté, des micro-espaces libertaires, et ainsi de suite, et continuer, et ne pas attendre une sorte de point fixe comme ça. Ou... Je vais faire débat, enfin polémique aussi, mais il y a Miguel Benassayag qui est argentin et qui parle de la même manière aussi des micro-résistances et, et de Chomsky libérer, aussi. Voilà, bon, bah là, ça fait pas polémique. Mais si je peux dire quelque chose. Oh bah, manquerait plus que ça. Non, c'est juste parce que j'ai posé à beaucoup de monde cette question, justement. Est-ce que l'anarchisme, finalement, c'est pas qu'elle a oublié un peu le but final? Et puis, c'est plus la lutte contre le pouvoir, mais c'est une façon pour se. On dit soustraire en français. Se soustraire. C'est peut-être plus coopter là ou se retirer du pouvoir. Oui, se soustraire. Et beaucoup de monde m'a dit oui, c'est vrai, dans la réalité, dans la pratique, c'est comme ça, mais il ne faut pas oublier ce but, parce que sans ce but, même s'il est utopique, on ne ferait plus rien. Mais je pense que les gens se soustraient aussi parce qu'ils inventent des nouvelles formes. Ils ne sont plus dans des clichés un peu politiques. Je pense que ça, c'est, pour moi, c'est évident. Tout de moins dans le milieu libertaire. Je ne sais pas dans le reste, mais dans le milieu libertaire, il y a effectivement des gens qui se retirent de toute une mécanique traditionnelle dans laquelle il y avait des luttes pour créer des nouveaux terrains, des nouveaux endroits, des nouveaux points forts. Et des nouveaux agirs, avec l'époque d'aujourd'hui. T'as trouvé le mot. Non, c'est un autre mot, c'est tout. Moi, avec un regard de l'extérieur, je trouve justement ça intéressant, parce que ce que le mouvement anarchiste et d'autres mouvements créent avec cette façon de se soustraire, c'est aussi créer des formes qui peut-être vont être utiles à toute la société dans le futur. Oui. Ouais, je pourrais servir d'outil aussi. Ouais, laboratoire. Laboratoire, ouais. Oui. C'est bref, s'il y a des souris dans les bras. Ouais, j'aime pas. Bah, écoute, on va te remercier. Oui, André, merci. Et on va préparer la suite. Donc, je vois que Serge est sur le pied de guerre. Non, il dit non avec les mains. Il dit non. Dans un signe de geste. Tu attends tes invités. S'il y a encore 5 minutes, quelque chose à dire. Absolument, oui. Tu me poses pas la question, moi. Andrea, si on ne te posait aucune question, tu dirais quoi? c'est une question trop difficile. C'est horrible. En tout cas, merci. Merci pour le témoignage. Maintenant, Gina.